Je cherche M. Orgon. N'est-ce pas à lui que j'ai l'honneur de faire la révérence? Ah, oui, mon ami. C'est à lui-même. Monsieur, vous avez sans doute reçu de nos nouvelles. J'appartiens à M. Dorante, qui me suit et qui m'envoie toujours devant vous assurer de ses respects en attendant qu'il vous en assure lui-même. Oh, tu fais ta commission de fort bonne grâce. Lisette, Lisette, que dis-tu de ce garçon-là? Moi, monsieur, je dis qu'il est le bienvenu et qu'il promet. Vous avez bien de la bonté, je fais du mieux qu'il m'est possible. Il n'est pas mal tourné, au moins. Ton cœur n'a qu'à se bien tenir, Lisette. Mon cœur? C'est bien des affaires. Ne vous fâchez pas, mademoiselle. Ce que dit monsieur ne m'en fait point à croire. Cette modestie-là me plaît. Continuez de même. Fort bien. Mais il me semble que ce nom de mademoiselle qu'il te donne est bien sérieux. Entre gens comme vous, le style des compliments ne doit pas être si grave. Vous seriez toujours sur le qui-vive. Allons, traitez-vous plus commodément. Tu as nom Lisette. Et toi, mon garçon, comment t'appelles-tu? Bourguignon, monsieur, pour vous servir. Eh bien, Bourguignon, soit. Va donc pour Lisette, je n'en serai pas moins votre serviteur. Oh, votre serviteur, ce n'est point encore là votre jargon. C'est ton serviteur qu'il faut dire. Vous me jouez, mon frère. À l'égard du tutoiement, j'attends les ordres de Lisette. Fais comme... Tu. Tu voudras, Bourguignon? Voilà la glace rompue, puisque cela divertit ces messieurs. Je t'en remercie, Lisette, et je réponds sur le champ à l'honneur que tu me fais. Courage, mes enfants, si vous commencez à vous aimer, vous voilà débarrassé des cérémonies. Oh, doucement. S'aimer, c'est une autre affaire. Vous ne savez peut-être pas que j'en veux au cœur de Lisette, moi qui vous parle. Il est vrai qu'il m'est cruel, mais je ne veux pas que Bourguignon aille sur mes brisées. Oui, le prenez-vous sur ce ton-là? Et moi, je veux que Bourguignon m'aime. Tu te fais tort de dire « je veux », belle Lisette. Tu n'as pas besoin d'ordonner pour être servie. Monse Bourguignon, vous avez pillé cette galanterie-là quelque part. Vous avez raison, monsieur, c'est dans ses yeux que je l'ai prise. Bah, tais-toi, c'est encore pis. Je te défends devant ton esprit. Il ne l'a pas à vos dépens. Et s'il en trouve dans mes yeux, il n'a qu'à prendre. Mon fils, vous perdrez votre procès. Retirons-nous. Dorante va venir... Allons le dire à ma fille. Et vous, Lisette? Lisette, montrez à ce garçon l'appartement de son maître. Adieu, Bourguignon. Vous me faites beaucoup d'honneur.